fais péter la basse, fais péter la basse. C'est ta ligne de passe pour tout à l'heure. Allez, vas-y, fais péter la basse, fais péter ta basse. C'est la ligne de tout à l'heure. Allez, vas-y, fais péter ta basse, fais péter ta basse. Tu vois, I'm gonna take you home. pas trouvé un truc. Déjà, si j'accordais ma guitare, ce serait plus sympa. On entend bien ta basse. On entend bien ta basse. Ça sonne bien ta basse. C'est quoi qu'on passe? J'ai droit à 30 minutes de guitare. Attends, je voyais pas ton commentaire. C'est une Ibanez. C'est bien Ibanez. Mal, ça l'os. We'll be right back. Steiger. Thank you. Plus vite. Putain, l'envoie à la basse là. L'envoie à la basse. Allez, plus vite. Ah non, on est qu'à 100. On est toujours à 100 là, tu vois. 120, non? C'est bien 120. On est à 120 là? Attends, il faut voter. Voilà, ça ira plus vite. Et là, ça accélère ou quoi? Ah merde! Faut que je mette BPM. Ok. Attends, la batterie est synchronisée. The woman. When the storm was starting now. c'est plus de son. Guitarix, c'est fini. Vous avez droit à 30 minutes gratuites. Après, il faut. C'est Guitarix gratuit. Guitarix. T'as vu Guitarig et Guitarig le pomme. Je dois m'en aller, c'était cool, c'était sympa. C'était sympa. Ta basse. Ouais, c'était cool. C'était sympa. A plus, monsieur Test. Moi, c'est Benjamin.